Le temps passe, et sagement j'attends mon heure. Là c'est des guerres qui maintiennent le monde dans la terreur. Mon moteur, l'humeur, et je suis plutôt triste de nature. Rejeté de 20h, les infos sont bloquées, donc je sature, immature. Je le suis, autant que le peuple est inconscient. Toujours là à justifier qu'un péché est monnaie courante. Même la jeunesse ne croit plus en rien, même pas en Dieu. Elle préfère les drogues du chitane qui donnent l'illusion d'être heureux. On n'a plus d'espoir, car notre avenir c'est le pôle emploi. Commencer sa vie par être chômeur, c'est pas notre choix. Le racisme a laissé son empreinte sur l'Occident. On va subir l'héritage de Vichy encore combien de temps? Puis à ce sans domicile qui crèche dans la rue, il t'a demandé à manger, tu lui as même pas répondu. C'est plus aime ton prochain, mais écrase-le pour exister. La concurrence fait rage, là on devrait ne plus s'épauler. Je regarde le monde par ma fenêtre et sa décadence. Mais bon Dieu, que va-t-on laisser à notre descendance? Y'a plus de paix, monde de guerre, donc prépare tes armes. Plus de bonheur que d'horreur, donc prépare tes larmes. On gratte le soir à l'abri, rêvant d'un avenir meilleur. Mais comment veux-tu aujourd'hui ne pas tomber dans l'erreur? Vie contrastée, l'espoir est trop flou, réalité masquée, on en devient fou. On erre sur terre, en attendant le dernier jugement. Comme y'a pire que nous, on se dit que ça se passera tranquillement. On ne t'aime plus pour tes valeurs, mais pour tes accessoires. Paraître au lieu d'être humain, tombe amoureux de son miroir. Elle est belle par moments, mais je suis déçu de cette vie. Tout ce qui part d'un bon sentiment te ramène des soucis. Malgré tout, j'avance serein sur mon chemin, jusqu'à qu'un événement vienne bouleverser mon quotidien. On est tous dans l'attente de choses diverses ou variées. Moi j'attends que Dieu nous envoie un messager. L'injustice domine l'ensemble de la sphère planétaire. Bienvenue dans l'ère où la religion est monétaire. Un autre monde est possible, pour moi ce n'est qu'un slogan. Les miens sont pessimistes, car déception est dans nos rangs. On rêve d'ailleurs, car le décor de nos villes sont tristes. Le capitalisme, nous on est je m'en foutiste. Je regarde le monde par ma fenêtre et sa décadence. Mais bon Dieu, que va-t-on laisser à notre descendance? Y'a plus de paix, monde de guerre, donc prépare tes armes. Plus de bonheur que d'horreur, donc prépare tes larmes. On gratte le soir à l'abri, rêvant d'un avenir meilleur. Mais comment veux-tu aujourd'hui ne pas tomber dans l'erreur? Vie contrastée, l'espoir est trop flou, réalité masquée, on en devient fou. J'ai convaincu que la solidarité n'existe plus. Plus je grandis, plus la candeur disparaît, plus je suis déçu. J'ouvre mon journal, ça m'inspire que le monde est hardcore. Combien de peuples sont destinés à vivre un triste sort? On est touché par plusieurs épidémies, le sida, la syphilis, l'hépatite et aujourd'hui la grippe. L'écologie nous donne envie de changer nos manières, mais ce n'est pas le peuple qui pollue les rivières. Il paraît qu'on est le pays des droits de l'homme, mais la torture a existé avant que l'Algérie soit autonome. Issu d'immigration, mais sur ce sol je suis français. Ne me parle pas d'identité nationale, je me suis intégré. Nos gouvernements successifs remplissent la même fonction, diviser la population et faire un max de pognon. La culture est payante et j'ai pas assez d'euros. Aujourd'hui ça coûte trop cher d'enrichir nos cerveaux. Je regarde le monde par ma fenêtre et sa décadence. Mais bon Dieu, que va-t-on laisser à notre descendance? Y'a plus de paix, monde de guerre, donc prépare tes armes. Plus de bonheur que d'horreur, donc prépare tes larmes. On gratte le soir à l'abri, rêvant d'un avenir meilleur. Mais comment veux-tu aujourd'hui ne pas tomber dans l'erreur? Vie contrastée, l'espoir est trop flou, réalité masquée, on en devient fou. Je regarde le monde par ma fenêtre et sa décadence. Mais bon Dieu, que va-t-on laisser à notre descendance? Y'a plus de paix, monde de guerre, donc prépare tes armes. Plus de bonheur que d'horreur, donc prépare tes larmes. On gratte le soir à l'abri, rêvant d'un avenir meilleur. Mais comment veux-tu aujourd'hui ne pas tomber dans l'erreur? Vie contrastée, l'espoir est trop flou, réalité masquée, on en devient fou.